بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سندخل في المسألة الواحدة والستين، 61 مسألة، توجد في سورة المائدة، بقول الله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. الآية donc dans le sens où Allah عز وجل dit que si jamais ils te viennent, alors soit tu juges entre eux ou alors tu te détournes d'eux, en parlant des gens du kitab, des El Kitab. Soit tu juges entre eux ou alors tu te détournes d'eux. Verset 42. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تحاكم إليه أهل الكتاب مخير بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم. فقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. Donc il dit, ce verset, son apparence nous laisse entendre que les gens du livre venaient vers lui pour qu'ils jugent entre eux. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, avait le choix. D'accord ? Soit il jugeait entre eux, ou soit alors il se détournait d'eux. Alors que d'autres versets sont venus pour montrer l'opposé de cela. Comme dans la parole où Allah, dans le sens, il dit, et que si jamais... Alors juge entre eux parce que Allah a fait descendre. C'est un ordre. Alors juge entre eux parce que Allah a fait descendre. Verset 49, surat al-Maïda. قال الجواب أن قوله تعالى وأن يحكم بينهم ناسخ لقوله أو أعرض عنهم. وهذا القول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء وخراساني وعطاء الخراساني والواحد فإنه قاله ابن كثير. Donc la première réponse qui a été donnée, c'est que le verset qu'on a cité en dernier là, an yahkum baynahum, et juge entre eux, verset 49 de Maïda, est venu abroger celui qui est cité qui est sujet du débat. Aw alin anhum, détourne-toi d'eux. Le premier verset qui dit de juger entre eux abroge celui qui dit de se détourner d'eux. Ça, c'est le call de plusieurs Mufassirin parmi l'Ibn Abbas, Mujahid et d'autres. قال وقيل معنى ونحكم أي إذا حكمت بينهم فاحكم بما أنزل الله لا اتباع الهوى لا باتباع الهوى وعليه فالأولى محكمة والعلم عند الله تعالى. Et l'autre parole qui a été donnée également, c'est que dans le sens où Allah dit, alors juge. Yani, si tu juges entre eux, alors juge parce que Allah Azza wa Jalla a fait descendre. Et ne suis pas les passions. D'accord ? C'est-à-dire que le verset là, il est effectif, il n'est pas abrogé. Donc le sens de si jamais tu juges entre eux, alors fais-le parce que Allah Azza wa Jalla a fait descendre. Donc tu as le choix, soit ça revient à ça, le khurasa, deuxième call, soit tu te détournes d'eux, ou soit alors tu juges entre eux, mais si jamais tu juges entre eux, alors juge. Parce que Allah a fait descendre comme loi. Wal 'ilmu 'inda Allah ta'ala walhamdu rabbil 'alamin.